J'ai tant marché, j'ai tant cherché pour te retrouver. J'ai tant donné, pouvoir partager, pouvoir résister, d'en abuser, pouvoir s'attirer. Pourquoi que si j'allume. J'ai tant marché, j'ai tant cherché pour te retrouver. J'ai tant donné, pouvoir partager, pouvoir résister, d'en abuser, pouvoir s'attirer. Pourquoi que cette nuit, j'ai laissé ton ombre derrière moi sans toi que aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont aucune limite à tout.